RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin de groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir, Slasher. Bonsoir. En forme ? Oui, oui. Voilà. Alors, on se remet tout doucement, car hier, nous avons eu une petite sortie, qui était le concert d'Acept et Sabaton. Oui, et de Twilight Force. Twilight Force, ouais. Alors, bon, ouais. Voilà. On a tout compris, quoi. Juste là, une petite excuse, car Sylvain ne sera pas là aujourd'hui, indépendant de sa volonté, on lui fera un petit coucou, et voilà. Alors, pour vous résumer un petit peu, le concert de Sabaton et d'Acept, c'était vraiment une grosse tuerie, n'est-ce pas ? Ah oui, une fiesta. Une fiesta de chez Fiesta. Même si le public, il était actif, mais pas très sociable. On va dire ça comme ça, oui, oui, ouais, parce que bon, c'est ce que j'ai toujours dit, je ne vois pas l'utilité de faire du slam sur du sabaton, enfin bon, bref, c'est le... voilà, que voulez-vous, mais c'était un très bon concert et je, personnellement, Acept avait sa place pour jouer en tête d'affiche, bah, ça c'est mon point de vue. Ouais. Ouais, pareil musicalement, mais en question de choses, ça aurait été Sabaton. En gros, j'ai mes préférences musicalement Acept, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, pour tout ce qui est show, Sabaton. Voilà. Enfin, un bon show. Bientôt, vous aurez le live report sur la chaîne Le Coin Metal. Oui. Et aussi, vous pouvez déjà voir des photos sur la page Riff d'Enfer. Alors, au programme de cette émission, bien, beaucoup de nouveautés, comme d'habitude, la Slasher Song. Oui. Et aux alentours de 20h30, on aura Stéphane Truchot. C'est le fondateur de Musical Wine. Musical Wine, tout simplement. Musique, fatalement. Oui. Wine, qui veut dire vin. Voilà, on vous en parlera un petit peu et on lui posera plein de petites questions. Il y aura même un concours pour pouvoir remporter du vin, mais pas n'importe quel vin. Si du on vin vous dit de Bordeaux. Oui, mais si on vous dit de groupes comme Rage Against the Machine, Guns N' Roses, oui. Metallica. Voilà, on n'en dit pas plus. Allez, d'abord, on démarre très fort cette émission avec un groupe italien. Ah. Acli Vitas, le titre s'appelle Rebirths, l'album s'appelle With You Through Eternity, et c'est parti mon kiki. We'll be right back. I am free. Rien à dire de ce titre-là quand même, hein. Oui, c'est excellent. C'est une tuerie, hein. Aclivitas, c'est italien, le titre c'est Rebirths. Et oui, c'est vraiment une superbe tuerie, l'album, franchement. Et dans le même acabit, moi je vous le conseille, voilà. Le prochain, avant de retrouver encore une grosse nouveauté qui arrive tout de suite après ce titre-là, c'est aussi une nouveauté aussi, c'est Ghost Avenue. L'album s'appelle Impact et le titre c'est The Prison. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est là, c'est juste oui. Ici, voilà. L'album s'appelle Impact, le groupe c'est Ghost Avenue et le titre c'est Prison. Vraiment bien foutu aussi. Alors là, bah, on va partir du côté du Brésil, ils nous reviennent avec un nouvel album. L'album s'appelle tout simplement Machine Messiah. Et là, il s'agit du groupe Sepultura qui nous revient donc avec cet album. Une pochette un peu zarbi, hein, je le reconnais. On va s'écouter un titre qui s'appelle tout simplement Phantom Self. Et après, on retrouvera la Slasher Song. D'abord, Sepultura avec Phantom Self. Eh bien, franchement, j'adhère ce nouvel album. Hein. Et là, j'aime bien un peu la consonance orientale. Et avec donc un peu au début un peu brésilienne, c'est vraiment très bon. C'était Sepultura avec Phantom Self. Alors là, on retrouve le slasher, oui, qui va nous parler un petit peu de Slasher Song aujourd'hui. Oui, donc je vais vous parler de tout simplement Megadeth. Donc c'est un groupe de thrash metal qui fait partie des Big Four of the Thrash Metal. Donc, dans les membres, il y a Dave Mustaine au chant, Kiko Loriero à la batterie, David Elferson à la basse, et eux à la batterie, Dirk Wirburn, qui est un Belge. Oui. Je tenais à le préciser, donc c'est un peu notre petite fierté à nous. Donc là, je vais vous parler de l'album Countdown to Extinction, donc qui est un excellent album. Mmh. Et donc là, je vais vous passer le titre Wazing Bullet. Voilà. Et pourquoi ce choix ? Bah, tout simplement parce que j'adore, ça m'a fait penser à une petite parodie qu'il y a eu sur internet de Lou Dure, une petite parodie en fait qu'ils ont remixé ça mais en vieille musique de jeu rétro. Et c'était vraiment bien foutu. Voilà. Et ben on va s'écouter donc ton slasher. Megadeth, Wazing Bullet. Voilà, c'est parti. Alors, c'est le slasher. Sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. Meet the real me in my misfits way of life. A dark black past is my most valued possession. Hindsight is always 20/20, but looking back it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story, tough beers, gotcha. Feeling paranoid too. Subdue but never tame. It gives me a migraine headache. Sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault. And stay an inch or two at a kicking distance. Mankind has got to know his limitations. Feeling claustrophobic like the walls are closing in. Bloodstains on my hands and nice talking to myself. A credit to dementia. Someday you too will know my pain and smile its black tooth grin. If the war inside my head won't take a day off, I'll be dead. My icy fingers claw your back. Here I come again. Alors voilà le slasher, donc c'était quoi ton titre ? C'était Megadeth avec Wheezing Bullet. Wheezing Bullet. Oui. Donc ta slasher song. Song, oui. Alors voilà, juste avant de retrouver donc Stéphane de Musical Wine, on va s'écouter Grave Digger. Le nouvel album s'appelle Hellied by Metal. Oui. Et on va s'écouter When Night Fall. Et après, on va un petit peu parler de vin. Voilà. Allez, c'est parti. Rien à dire, ça déboîte très très très bien hein, quand même le Grave Digger, nouvel album When Night Fall. L'album s'appelle Hollowed by Metal. Alors voilà, il est l'heure de passer à la dégustation, on va dire ça comme ça, avec Stéphane que je vais bientôt prendre sur antenne. Alors allô. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, tu vas bien ? Bonsoir Eric et bonsoir Rive d'Enfer. Voilà. Je vais être avec vous ce soir. Ouais. Quel temps as-tu du côté de Bordeaux? Ah bah il fait très beau aujourd'hui. On a de la chance. Voilà. Nous sommes épargnés par la tempête. Alors voilà, donc ma première petite question, hein, on va un peu présenter Musical Wine et te laisser un peu te présenter. Donc on sait que tu viens de Bordeaux, vu que je l'ai annoncé comme ça. C'est quoi Musical Wine au juste? Musical Wine, c'est une idée de base avec des potes fans de métal et fans de vin aussi, qui un jour voulaient acheter des bouteilles de vin à CDC et qui ont eu galéré à les trouver en fait, et finalement on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas des vins métal et rock en France et qu'on puisse trouver assez facilement et allier notre passion du vin et du métal, donc voilà, c'est ça l'idée de base. Donc c'est de nous faire un hommage quelque part aux groupes qui ont bercé notre adolescence et qu'on écoute toujours aussi. On a toujours plaisir à aller voir en concert, et bah c'est faire un hommage sur des bouteilles de vin pour l'amener chez des potes et repasser une soirée sympa. Oui. Bien entendu, je vais signaler dans l'émission que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, c'est donc bien. On boit en modération ou alors on se fait toujours reconduire. Hein. Ça, je tiens bien à le signaler. Tout à fait. Alors, je suppose que c'est un concept qui a quand même mûrement réfléchi, à long terme peut-être, parce qu'il a fallu quand même demander l'autorisation à certains groupes pour pouvoir utiliser leur nom et tout ça. Je suppose que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Alors, pas spécialement, parce qu'en fait, je n'utilise pas les pochettes de groupe ou leur nom même. Tu vois bien, sur les bouteilles, ce sont juste des clins d'œil. Ça ne parlera qu'aux fans en fait, parce que ils vont retrouver un peu l'esprit dans la déformation du nom. Par contre, par exemple, on prend Injustice for Wine. Ceux qui ne connaissent pas Metallica et Injustice for Wine ne connaîtront pas du tout, ne se reconnaîtront pas dans cette bouteille. Donc, on est vraiment sur du clin d'œil, un peu de la caricature, du pastiche, plutôt que sur de la licence de groupe avec des pochettes d'albums ou des choses comme ça. Quoi. C'était pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était vraiment rendre hommage. Mmh. Vraiment, on est dans le clin d'œil, quoi. Bah, en tout cas, je peux dire que franchement, c'est réussi parce que j'ai eu l'occasion, et comme tu as pu le voir, de les goûter. Bon, même si je suis pas tellement vin rouge, moi je préfère le blanc, le rosé et le moelleux. Et franchement, c'est un vrai régal. Maintenant, pourquoi avoir choisi plutôt de passer sur du bio, parce que c'est du vin bio, je tiens à le préciser. Ouais, tout à fait, tu viens de le dire, parce que c'était une philosophie, c'est par conviction en fait. Je voulais vendre des vins qui respectent les consommateurs, qui respectent la terre, qui respectent notre planète, qui respectent les salariés aussi qui travaillent dans la vigne, et c'est important pour moi d'offrir du bio. Et j'ai même appris plus tard par le producteur que les vins sont même vegan, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas du tout de matière animale dans ces vins, uniquement du végétal, donc ils sont aussi... comme on dit, suitable for vegans, en plus, quoi, donc c'est encore mieux, je trouve. Je trouve que c'est des vins propres et en plus bons et de qualité, donc ça n'enlève rien, quoi, au contraire. Et justement, ce concept, est-ce que vous avez quand même demandé au groupe leur avis? Non, je n'ai pas du tout demandé au groupe leur avis, parce que c'est très, très compliqué de contacter les groupes, surtout Guns N' Roses, Metallica ou Ledge. Donc je sais même pas comment les contacter en fait. Je serais ravi de leur offrir une bouteille et de la boire avec eux, mais voilà, c'était vraiment. Je pense qu'ils seront vraiment ravis pour leur faire un hommage sur des bouteilles en fait. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment dans cet esprit. En plus, moi c'est pas mon métier, donc je fais ça vraiment par passion. Oui. Pour des quantités limitées. Donc dans l'esprit, c'est même pas pour faire de l'argent si tu veux, c'est juste pour faire un clin d'œil à ces groupes et pour dire voilà. J'ai découvert ces groupes quand j'avais 10 ans. Je les suis encore, ils sont toujours là. Et voilà, c'est bien de le matérialiser sur une bouteille de vin, parce que c'est convivial en plus. Oui, c'est convivial. C'est vraiment cet esprit. Oui. Tout à fait. C'est pas une idée business derrière, en fait. Si tu veux, plus une idée de passionné de métal et de vin, et vraiment pour rendre hommage. Quoi. Et justement, bon, on en a parlé une fois hors antenne. Hein, tu m'as dit que tu avais été bercé par des Led Zeppelin, des choses comme ça. Quel a été vraiment. Parce que vous êtes plusieurs à avoir eu cette idée. Hein, donc, ça n'a pas été trop dur le choix de choisir Metallica, Guns, Rage Against the Machine. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres groupes que vous auriez bien aimé aussi mettre en bouteille, on va dire ça? Oui, c'est ça. Si, si, parce que j'ai une liste de 50 titres à peu près sur mon ordinateur, et ça a été très très difficile pour moi de choisir les trois premiers, en fait. Mm-hmm. Après, j'aurais aimé rendre un bel hommage à Maiden, parce que j'ai commencé par AC/DC, Maiden, Judas Priest, Accept, toute cette génération. Après, je suis passé plutôt sur le hair metal, avec Bon Jovi, voilà, Poison, Motley Crue, etc. Puis après, la période glam avec les Guns, puis après le grunge, puis etc. J'ai suivi vraiment tous les mouvements, tous les courants du métal à l'époque. Et alors, quand j'ai fait la liste, il y avait, je te dis, à peu près une cinquantaine de groupes. Et là, j'aimerais bien continuer avec Nirvana, avec Maiden, avec System of a Down, avec d'autres groupes encore. Voilà. Donc, c'est difficile, quoi. Donc ça ne s'arrêtera pas là si les retours sont bons. Je suppose qu'ils sont bons déjà, les retours que tu as déjà pu avoir. Ils sont très bons, j'ai que des bons retours sur la qualité du blog. C'était important pour moi aussi de ne pas mettre de la piquette en bouteille et de proposer vraiment un vin de qualité pour aussi faire connaître le terroir bordelais et puis le fait qu'on puisse faire du bio aussi à Bordeaux. Mmh. C'était important pour moi de mettre aussi en avant un petit producteur avec qui j'ai bien sympathisé. Donc ça, c'était important, et en plus l'idée plaît beaucoup. Et l'idée plaît beaucoup parce que c'est un clin d'œil, en fait, et parce que ça ne cite pas le groupe, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a que les fans qui se reconnaissent, et je pense que c'est très communautaire, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand on n'aime pas, quand on ne connaît pas Guns, et ben on va pas acheter Sweet Child of Mine. Ah, tout à fait. C'est ce côté un peu je connais et je fais partie du clan un peu. Voilà, c'est ça qui plaît, en fait. Mm-hmm. Et ce qui est marrant aussi, c'est parce que bon, il y a des gens aussi qui vont se reconnaître en tant que collectionneurs, qui vont acheter la bouteille ou les bouteilles, parce qu'il faut savoir qu'il y a un coffret limité. Hein. Ils vont acheter des bouteilles qu'ils ne vont jamais les boire, peut-être pour avoir dans leur collection. J'ai une bouteille concernant Guns, Metallica ou Rage Against the Machine. Oui, complètement. C'est des retours que j'ai aussi, c'est que les gens n'aiment pas les boire, enfin n'osent pas les boire, en fait. Ils trouvent l'objet tellement beau. Alors, en plus, j'ai bien travaillé l'étiquette parce que j'ai voulu faire un petit clin d'œil avec la guitare qui représente Guns, par exemple, ou celle de Metallica. Donc il y a ce petit clin d'œil en plus, et puis l'étiquette est en plus en argent, donc argent à chaud, on appelle ça. Hein. C'est un procédé technique pour les étiquettes de vin. Et en plus, elles sont en relief. Donc c'est un objet presque collector, joli, quoi, qu'on aime bien garder. Un peu comme l'esprit à l'époque du vinyle collector ou du CD collector qu'on avait, et de tous les objets de fans de métal en général, le collector qu'on gardait, le Mediator, voilà, des choses comme ça, quoi. Donc je voulais aussi retrouver ce côté un peu collection. Mmh. Donc du coup, voilà, c'est pour ça aussi que certains les gardent, je pense, ils ont gardé ce côté collection. Mmh. Il faut savoir aussi que normalement, si tout va bien, on pourra aussi vous retrouver, donc Musical Wine, sur peut-être des festivals. Oui, des festivals. Alors, je suis en train de faire un peu le tour. Des magasins m'appellent, un peu. Alors, il y en a dans le sud, il y en a dans le nord, il y en a en Belgique, il y en a à Paris, qui m'appellent pour distribuer les bouteilles, parce qu'ils ont trouvé le concept sympa, ils ont vu ça sur Facebook par hasard, sur Internet. Mm-hmm. Et j'ai aussi le Hard Rock Café, qui est partenaire, donc c'est complètement leur truc aussi, dans l'esprit, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de restaurants, des bars et petits cavistes qui m'appellent. Mmh. Ben, c'est vrai aussi que ça change de concept, parce qu'il y a beaucoup de bières métal, et le vin, il n'y a pas des masses. C'est ça aussi qui est bien, parce qu'on peut se retrouver autour d'une table sans vouloir trop faire la fête, mais plutôt faire une bonne bouffe entre potes, comme tu dis. Ouais, alors ce que j'expliquais, l'autre jour, j'en parlais juste avec quelqu'un qui me disait, mais ce serait plutôt la bière, le métal. Et je lui disais, mais moi, quand j'avais 20 ans, c'est vrai que quand j'allais au concert de Metallica, je buvais de la bière, c'est vrai. Hein. Et aujourd'hui, j'ai 40 ans, et passé même, et aujourd'hui, je bois du vin avec mes potes quand je fais des soirées. Et du coup, voilà, c'est aussi une question de génération. À 20 ans, on boit de la bière, puis peut-être à 30 aussi. Peut-être à 40, on commence à boire du vin plus dans les soirées, dans les repas, quoi. Ouais. Donc c'est un peu aussi cette génération des années 80, un métal années 80, un peu. Et j'ai voulu retracer un peu dans ces bouteilles, en fait. Pourquoi avoir choisi de sortir donc les bouteilles, hein, les bouteilles, on va dire, standards, et un coffret limité? Alors, coffret limité parce que ce sont des petits tubes de dégustation que fait une entreprise bordelaise qui s'appelle WIT. Et c'est du vin en tube de 10 centilitres qui permet juste de boire un verre ou de boire un verre à deux en fait. Donc de ne pas ouvrir une bouteille, de ne pas la gaspiller si on veut boire juste un verre. Ça permet aussi de découvrir le vin si on ne le connaît pas, sans prendre trop de risques à acheter une bouteille complète. Donc c'est des petits tubes et je trouve le coffret très sympa avec ces trois tubes et qu'on peut laisser aussi sur un buffet, garder un objet collector ou alors découvrir en ouvrant un 8, découvrir un vin. Mmh. Voilà, je trouvais ça ce côté sympa de coffret collector aussi. Et il est limité hein ? À 400 exemplaires. 400 exemplaires, donc voilà. Donc il faudra pas. Il y en a beaucoup sur la France et voilà. Mmh. Donc il en reste encore, mais voilà, c'est vraiment ce je le referai pas celui-là, c'est sûr. Quoi. Parce que c'est très difficile à faire en fait, il faut des gros volumes et puis voilà, techniquement c'est compliqué donc oui. C'est millésimé, les doigts sont millésimés donc une fois que le 2015 est. Il n'y en a plus quoi. Mm-hmm. Mais de toute façon, nous, je sais bien, on s'est arrangé, il y aura un coffret limité à faire gagner et aussi un coffret normal quoi. Donc voilà. Justement, si tu refais d'autres groupes, est-ce que tu vas encore les ressortir par trois, on va dire un trio? Et si oui, est-ce que tu referas encore un autre coffret limité? Alors, je ressortirai vraisemblablement pas par trois, parce que voilà, c'est du gros, c'est beaucoup de travail. Mais là, je pense que ça ne va pas être un scoop, hein, mais il va y avoir une quatrième bouteille qui va arriver pour l'été, qui sera du rosé. Mm-hmm. Et donc, ça sera une quatrième qui va rejoindre la gamme, et puis peut-être, pourquoi pas, à Noël, un champagne ou un crémant. Voilà, je serais plutôt dans cet esprit de finalement de balayer un peu tous les styles de vin. Oui. Et puis après, faire des coffrets un peu différents aussi, avec un rouge, un blanc, un rosé, ou trois rosés, ou trois rouges. D'accord. Ben justement, tu as répondu à ma question. J'allais dire, à quand le rosé? Ben voilà quoi. Ouais. Maintenant, on peut peut-être tout doucement essayer de penser quel groupe ferait penser à du rosé aussi. Eh oui, alors ça sera certainement un truc que je vais lancer sur Facebook avec toi, une espèce de concours sur qui aurait des idées sur quel groupe on aimerait trouver sur une bouteille de rosé, avec quelle chanson. Ça peut être très sympa. De lancer ça sur le. Rosé, la vie en rose. Moi, je verrais bien style Loving You de Scorpion. Voilà, pourquoi pas. Style Loving Wine, pourquoi pas. Oui. Et bon, là, je te filerai les tuyaux pour éventuellement le présenter à Mathias Diab, qui n'est pas loin de chez, enfin pas loin de chez nous, il est en Allemagne, mais bon, il est assez accessible. On m'avait proposé I Was Made for Loving Wine aussi. Ah oui. Donc c'était rigolo aussi. C'est vrai qu'on est plus dans l'œuvre ou dans l'amour avec le rosé, je sais pas pourquoi, c'est rigolo. It's His Wine aussi, voilà. White Snake, oui, c'est toutes des chansons où on voit la vie en rose. Sur Facebook, dans les commentaires, finalement, il y en a plein qui me proposent des noms, des futurs noms quelque part, en fait, et qui aimeraient participer à ça, quoi. Mm-hmm. Je trouve ça hyper sympa, parce que c'est vrai que c'est rigolo d'essayer de trouver des jeux de mots avec les noms de chansons qui nous font penser à des groupes qu'on a écoutés, des chansons qu'on a aimées, quoi. Sympa, oui. Et justement, on peut parler de comme chantait un certain Bachung, hein, qui faisait pas du métal. Ma petite entreprise va peut-être un peu grandir, peut-être. Et ça aussi, Musical Wine donne aussi l'occasion à des gens de bosser là derrière. Oui, on travaille. Principalement, je travaille avec le producteur, le vigneron, qui lui est très content parce que c'est un petit vigneron bordelais indépendant. Hein. Et il est content de diversifier un peu aussi, de trouver d'autres sources aussi pour vendre son vin. Donc lui, il est ravi. Et je travaille avec un webmaster aussi, et mm-hmm. une personne de la communication qui travaille sur les étiquettes plutôt, qui fait les designs des étiquettes, et moi. Donc on travaille plutôt à quatre. D'accord. Tu me disais aussi que pour le moment, tu vises l'Europe, et peut-être c'est un peu plus compliqué pour le marché mondial, on va dire l'esthète et tout ça, c'est vraiment différent, quoi, c'est ça? Ouais, alors j'ai eu des demandes là, cette semaine du Canada, mais alors c'est très compliqué d'exporter au Canada. Il y a des barrières à l'entrée douanières qui sont très fortes. La Suisse est compliquée, les États-Unis, selon les États, c'est très complexe aussi. Il y a des États où l'alcool est interdit, hein, carrément, donc on ne peut pas importer. Et j'ai des demandes d'Argentine, très compliqué aussi, l'Amérique du Sud. Par contre, tout ce qui est Union Européenne, c'est assez simple. D'accord. C'est assez simple parce que l'Union Européenne nous permet quand même d'exporter sans trop compliquer les droits de douane. Quoi. Mm-hmm. Donc, on a parlé un petit peu des projets. L'été, c'est dans peu de temps. Hein. Donc, déjà, tu travailles déjà pour l'été, tu travailles déjà aussi pour la fin de l'année. Donc, tu as plein de projets en tête, quoi. Ouais, pour me faire un coffret en bois collector aussi pour la fin d'année. Waouh! Qui serait sympa, parce que le bois, c'est vrai que c'est joli, quoi, avec un petit marquage sur le couvercle, ça fait un joli coffret. Ouais, peut-être pourquoi pas joindre le verre avec, peut-être aussi. Pourquoi pas, ouais, avec un verre. Alors déjà, dans les coffrets, j'offre un Mediator et un bec verseur drop-stop hein, qui permet un stop-goût, hein, un anti-goût, on appelle ça, nous, ici. Mais déjà, ça, c'est, je trouve ça sympa, ces petits objets, en fait, encore une fois, un peu collector, le Mediator micro-drive. Si on pouvait faire un verre aussi, ça serait sympa. Ouais, le bec verseur, c'est à chaque groupe un bec verseur différent ou... Non, pour l'instant, c'est un exerceur musical wine générique, mais je réfléchis à le faire pour chaque bouteille. Ouais. D'accord. Ouais. Ben, plein de projets, c'est génial. On peut décliner, c'est sûr, après. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que, comme on en parlait aussi, on va essayer, nous aussi, de notre côté, hein, de Rive d'Enfer, de vous donner un petit coup de pouce, parce que vous avez le mérite d'essayer de faire des choses et qui marchent bien, du côté des salles, des bars, près de chez nous. Donc, j'espère que ça portera ses fruits, car vous le méritez vraiment, vraiment, vraiment. Voilà quoi. Bah écoute, c'est super sympathique parce que t'es un des premiers à m'avoir sollicité, vraiment ça fait plaisir quand on a des retours comme ça, quand on a des retours sur la qualité du vin. Bah, voilà, c'est vu qu'on n'a pas bossé depuis un an pour rien quoi, parce que c'est un projet on est depuis un an, c'est toujours sympa quoi. Enfin, c'est le slasher qui t'a sollicité avec son coin métal, c'est mon petit bout. Qui est toujours à l'affût de tout, quoi. Et là, il est à côté de moi, il fait ouais, du champagne, même s'il n'en boit pas, parce qu'il n'en boit pas. Mais ça, il est collectionneur aussi, donc il collectionne. Et bon, il adore, il est allé voir justement hier à Sept en concert, quoi. Donc, oui. Voilà, quoi. Et ben, moi, je te remercie d'être passé sur antenne. Moi, je vais te laisser le mot de la fin. Et après, je lancerai un concours d'ici une petite dizaine de minutes. Donc, on va faire gagner. Donc, explique un peu aux auditeurs ce qu'on va faire gagner. Alors, on va faire gagner un coffret collector de dégustation, donc de wheat, de petits vins en tube, avec les trois qui sont limités à 400 exemplaires, de manière à ce que soit on puisse garder l'objet, soit aussi découvrir en buvant les wheat. Et puis, un coffret des trois bouteilles, avec le Mediator et le Drop Stop inclus dedans, qui est le pack Musical Wines, en fait, que vous retrouvez sur le site. Musicalwines.com et puis voilà qui est le coffret, notre coffret phare on va dire, puisque c'est le seul. C'est un super coffret, moi j'adore quoi. Mais de toute façon le slasher va mettre le lien du site sur la page Facebook de Rive d'Enfer, comme ça les gens pourront aller voir, parce qu'on peut aussi acheter en ligne. Ouais, on peut acheter sur musicalwines.com directement avec le site, c'est livré en 48 heures avec Colissimo. J'ai pris des cartons à agréer, donc il n'y a pas de casse, ça sera super bien au niveau des livraisons. Voilà, faut pas hésiter, et puis 48 heures après, on a son coffret. C'est quand même pas mal, quoi. Ah, c'est pas mal, donc si vous avez une bonne bouffe à faire avec du bon vin, ce que je vous le dis, il est vraiment super, super. Le moelleux avec un gâteau, ça passe vraiment, bien frais en plus. Ça passe très très très bien, c'est un très très bon vin, franchement. Et vous avez vraiment bien choisi, les amis. Le rouge avec de la viande, le blanc on peut le faire en apéro, frais, avec des coquillages ou fruits de mer. En fait, on peut balayer un repas en complet avec le pack, c'est ça qui est sympa aussi. Justement, la dernière question que je voulais te poser, ce choix pour ce vin, est-ce que vous avez été plusieurs à goûter, dire « oui, j'aime pas ce... » ou toi seul as pris la décision « je vais prendre celui-là » et puis voilà quoi. Non, j'ai fait pas mal de foires, de salons, j'ai été voir des viticulteurs, des rondes, un peu au coin Languedoc-Roussillon et au coin Bordeaux. Et par hasard, je suis tombé sur un salon bio sur Château Rio Blanc. Et je me suis arrêté dessus parce que je l'ai goûté, je l'ai trouvé super. Mais en plus, j'ai fait goûter à un ami qui est œnologue, hein, qui travaille dans le vin et qui m'a conseillé aussi beaucoup sur l'ensemble des vins. Et on s'est arrêté sur celui-là parce que c'est celui qu'on a trouvé le mieux. Voilà, et puis en plus, j'ai bien un bon feeling avec le producteur, il me facilite beaucoup les choses, il me conseille bien techniquement aussi. Et en plus, il fait du bio, donc voilà, c'était top quoi. C'était le chercher en tout cas. Ok, ben je te remercie. Donc d'ici une dizaine de minutes, je vais lancer le concours juste après la balade crapuleuse qui sont autour de 21h, 21h05 pour remporter ceci. Donc moi je prendrai les coordonnées que je t'enverrai et tu te chargeras des envois alors. Voilà, et puis bah, surveillez la page Facebook pour le concours sur le rosé qui va arriver là peut-être en mars-avril. De toute façon, il arrive déjà mars-avril. Eh oui, parce que je vais lancer un petit peu déjà un peu le truc sur le nom là, pour voir D'accord. tout ça. Et okay. Après, je lance la production, je pense qu'en avril, on devrait l'avoir fin avril. D'accord. Et eh bien à ce moment-là, on goûtera et on vous dira quoi, il n'y a pas de souci. Et moi, si vous avez aussi des auditeurs et auditrices des idées de noms, ben envoyez-les, moi je les ferai parvenir aussi à Stéphane. Voilà. Et eh bien on te remercie Stéphane. Merci Eric. Voilà. Merci de m'avoir invité. De rien, c'est normal. Et on va se quitter avec Jim Anderson Group, Let's Get Serious, nous, et on continuera la programmation musicale. Je te laisse juste le mot de la fin. Eh ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Let's Derby Wine. Voilà, ok, merci, à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Au oui. Au revoir. Not the only one. I really want to save today. Listen up, I got something to say. It's even the world's what's on your mind, or having a real good time. Let's get serious. Get serious. Let's get serious. Some people wanna crash and burn. Some people never learn. I really wanna fade to gray. Let me tell you it's the only way. It's better to be all you can be. Set your spirit free. And let's get serious. Get serious. Let's get serious. I said, oh no, let's go. C'est pas mal du tout, hein, Jimmy Anderson, avec Let's Get Serious. C'est excellent. Même. Ouais. Moi, ça m'a donné soif, hein, le petit interview qu'on a fait avec Stéphane, donc de Musical Wine. Voilà, bah, de bons projets, et nous, on leur souhaite, comme on dit, bonne merde, car franchement, ils ont le mérite, les amis. Donc, d'ici deux petites chansons, hein, donc on vous passera le concours pour remporter soit le coffret dégustation limité à 400 exemplaires, et comme il a bien dit, il n'en refera pas, donc c'est vraiment du collector de chez collector. Oui. Et après le coffret donc bouteille avec Mediator, Beckverseur et tout ça à remporter aussi, donc c'est sur Riff d'Enfer. Et bien entendu grâce à Musical Wine. Oui. Donc je dis bien, les personnes qui vont remporter, il leur nous faudra donc les coordonnées hors antenne que je communiquerai à Stéphane, et bien entendu aussi il me faudra soit un email ou un numéro de téléphone pour quand le Colissimo va arriver, qu'on vous prévienne pour que vous soyez à la maison. Yeah. Alors on va s'écouter Jack Russell. Non, ce n'est pas un chien qui chante et qui aboie, mais c'est bien entendu un ex Great White. Ce n'est pas Jenna. Ce n'est pas notre chien Jenna. Non, pas du tout. Et on va s'écouter Bleed It On, non pas de Boogie des Jackson 5, mais Bleed It On Night, extrait de l'album du même titre. C'est parti avec Jack Russell, et après ce sera la balade crapuleuse. Closes Et pas mal non plus, hein. C'est un nouveau titre de Jack Russell, Great Rate, Blitting on the Night. Alors là, on va s'écouter la balade crapuleuse de ce lundi. Et on a choisi tout simplement The Valley of Tears. C'est de Magnum, franchement une superbe, superbe balade avec Monsieur Cataly, bien entendu, au chant. It's not real. Drowning in an ocean as black as night. Summer rain so loud. It hurts your face so coldly. Takes away the fury that shines so bright. I'm pushed away the clouds. When you think everything's gone wrong and your feelings are all too strong, it's bad enough. Don't you think it's crazy to just take flight? This is me, burning just as high as the city lights. All your wars word. There's no talking to you. All the pages written have turned to white, and they've all begun to be something that you can read into something that will succeed. Say a prayer. That's the good news daily, oh well, that's life. No one takes the blame. but the sun will come up each day, and the moon will be on its way. Rich or poor, well, it's all the same in the valley of tears. Magnifique balade, rien à redire quand même, hein, du groupe Magnum, The Valley of Tears. Alors, je vous l'avais promis, hein, le premier concours, c'est pour gagner un coffret dégustation de Musical Wine. Alors, on rappelle juste les trois bouteilles de vin, enfin les trois, on peut dire, petites bouteilles de dégustation, Slasher, ce qui a gagné, oui. Donc donc, les bouteilles de dégustation Rage, Wine Agonize the Machine, Injustice for Wine et Sweet Child of Wine. Voilà. Qui sont bien sûr des clichés aux grands groupes de metal rock. Voilà, donc ce sera à gagner très simplement. La première question est toute simple. De quelle ville de France est origine Musical Wine. Vous répondez en message privé sur la page Riffs d'Enfer, ou vous nous envoyez un mail tout simplement à riffsdenfer.rqc@gmail.com. Donc Riffs d'Enfer 2F, hein, d'enfer, oui. En un mot, hein, donc juste coller. Donc riffsdenfer.rqc@gmail.com. Et voilà, et vous remporterez ce magnifique coffret qui est limité à 400 exemplaires, je sais bien le dire, 400 exemplaires, il n'y en aura pas un de plus. En attendant, on va s'écouter XDEO avec The Rise of Hannibal. We'll be right back. Voilà, donc juste à l'instant, c'était XDO avec The Rise of Hannibal. Alors voilà, on a déjà un gagnant. Oui. Alors félicitations à Yannick. À Yannick qui a remporté donc le coffret collector. On dit bien collector car il n'y a que 400 exemplaires. 400 exemplaires, donc félicitations à toi Yannick pour avoir remporté ce coffret. Ça fait plaisir que nous sommes écoutés. Mais bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour la santé, voilà. Donc, on attend des coordonnées sur la page. Bien entendu, avec soit ton email ou alors un numéro de téléphone, car le transporteur devra te contacter pour te livrer ce coffret. Oui. Alors, bien entendu, on va dire la réponse, hein. Oui, donc, c'était, en fait, ils sont de Bordeaux. Voilà, c'est donc de Bordeaux. On s'écoute encore un titre et puis tout de suite après arrivera la question pour remporter le coffret, on va dire avec les bouteilles normales, pas les bouteilles collector, les bouteilles qu'on pourra trouver oui. tout le temps, donc sur la page notamment de le Facebook de Musical Wine. Là, on va s'écouter Mors Principium Est avec Reclaim the Sun. L'album s'appelle Embers of the Dying World. On se retrouve tout de suite après les petits amis. Yeah, baby, Là, juste à l'instant, c'est mort Prescription Est avec Reclaim the Sun, Amber of the Dying World. Pas mal, ça dégotte très très bien. Décoiffe. Alors, juste avant de poser la question hein, pour remporter le coffret, hein, le coffret bouteille, oui. Les grandes bouteilles, juste avant, ben voilà, je tiens à dire aux Slashers, et ça, c'est par les commentaires que j'ai sous les yeux, qu'il y a des auditeurs qui te félicitent pour la connaissance que tu as sur le métal et vu ton âge surtout, parce qu'il y en a qui te voient aussi sur la page Quoi Métal et ils savent que tu es un petit bout pas plus haut que 12 ans. Voilà. Oui, pas trois pommes, quand même pas. Pas trois pommes quand même. Bon, t'es aussi grand pratiquement que moi. Bon, allez, on va là vous poser la question, surtout, bah. Je ne demanderai pas à Yannick de rejouer vu qu'il a remporté. On va laisser un peu la chanson. Non mais là je rigole. La chance a raison. Non mais je vais pas chanter plus parce que sinon il va pleuvoir. Mais laisser un peu de chance aux autres aussi. Et la question, c'est pour emporter donc les coffrets avec du blanc, du moelleux et du rouge. Oui. Donc vas-y, je te laisse poser la question. Donc les questions, c'est quels groupes sont employés pour les parodies de Musical Wine? Quels groupes sont employés pour faire les parodies de Musical Wine? Donc pour le vin rouge, pour le moelleux. Et le vin blanc. Et le vin blanc. En attendant, on va s'écouter Last Union, President Evil, avec en invité Monsieur James Labrie. Ah. Step inside, president found it at home, yeah. Voilà, donc c'est franchement une tuerie. Le groupe, je dis bien, si vous les avez pas pu retenir, c'est Last Union avec le titre President Evil. C'est avec monsieur James Labrie qui est invité sur 3 ou 4 titres de cet album. C'est une véritable tuerie, cet album. Je vous le conseille, surtout si vous aimez le prog. Donc, on va un peu parler un petit peu de ce qu'on a ressenti hier, hein, le slasher, sur le concert de Sabaton et de Acept. La première partie, on va pas casser du sucre sur leur dos, car ils ont le mérite quand même de jouer, hein, ça c'est sûr et certain. Oui. Mais bon, c'est vraiment pas notre cam, mais félicitations à eux, je les salue car... Vu que n'empêche, les solos sont bien... Ah, ils savent jouer, hein, ils savent branler le manche, comme on dit, mais voilà, c'était vraiment pas notre cam. Alors, ton ressenti sur le set d'Acept d'abord. On va commencer par Acept. Ah bah j'ai adoré. Tu as adoré? Sabaton, question. Non mais d'Acept. D'Acept, je veux dire, question musicalement, c'est excellent et le show était bien aussi. Il y avait aussi, on va dire, des genres de. Comment on va dire ça, balustrade, des décors qui s'éclairaient comme un peu AC/DC avec des trucs électriques et tout. Oui. Et question solo, on voyait bien que le deuxième guitariste, je ne me rappelle plus de son nom, il y avait des solos, des improvisations dedans, etc. C'était vraiment génial. Oui, et donc tu as bien aimé quoi? Adoré, j'ai adoré. Et alors pour Sabaton? Pour Sabaton, musicalement, j'ai adoré aussi, mais j'ai quand même ma préférence, c'est Acept. Et question, tout simplement, show, c'est excellent, il n'y a rien à dire. Ils ont fait monter des Spartiates, des mises en scène du débarquement, sûrement de Normandie, hein, etc. Voilà, c'était un super bon concert. On s'est bien éclaté, mis à part le public qui est, on va dire, bof, comment dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, bof? Bah déjà je vais pas dire que le public est pas vraiment pas très sympa avec les personnes. Il y a par exemple des publics différents, il y a des publics hard rock, etc. Là c'était le public nouvelle génération, on va dire power metal, etc. Où l'on avait carrément qui partait en steak, voilà. Et oui, que tu. Ben c'est comme ça, hein. Oui. Alors moi mon ressenti, ben tout simplement. Très bon concert, très bon show, très bon light, très ben pour nous qui prenons des photos, c'est très très important. Le son était nickel. Acept, ben ça a mis la claque, la banane. Pour moi, Acept aurait dû jouer carrément en tête d'affiche et pas Sabaton. Même si je dis bien, j'adore Sabaton. Mais bon, voilà, Acept, c'est Acept. Et il n'y a pas photo, quoi. Ça a déménagé très très fort. Alors, le show de Sabaton, hein, Joachim, toujours en pleine forme, qui présentait sa nouvelle équipe. Oui, le nouveau guitariste. Oui, et franchement, c'était une véritable tuerie. Franchement, tuerie. On a eu droit au char sur la scène, hein. Comme tu disais, les Spartiates et tout. C'était vraiment, vraiment un superbe show. Rien à redire. Un bon light aussi. Comme tu dis, bon, le public, bon, maintenant, c'est un peu dans les mœurs du métal, hein. On slame sur un oui, sur un non. Mais c'est pas tellement un public. Je trouve que c'est pas une musique à slammer toutes les 2 minutes 50, voilà quoi. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça maintenant, on ne peut rien y faire. Voilà, mais bon, que veux-tu. Alors, on s'écoute un titre et après on vous annoncera l'heureux ou l'heureuse gagnante du concours pour le deuxième tirage. Donc, on va s'écouter Mono Incorporated avec Together Till the End, extrait du même titre de l'album, donc et titre éponyme de cet album. Et on parlait justement de Sabaton, et ben voilà ce qu'on va faire. Hello everybody, this is Joachim from Sabaton. You're listening to Riff d'Enfer on RQC with the Scream. Take care and see you on the road. Eh, hey, c'est Riff d'Enfer, c'est Marcus et Spencer du Fernando Rock Show sur 95 FM. À toi, Spencer. Pardon ? Moi, c'est... je suis trop vieux pour dire des trucs pareils. C'est Riff d'Enfer ! 95 FM, yeah ! Salut, c'est Tino de Channel Zero. Vous écoutez Riff d'Enfer avec le vrai, le grand Scream. Mono in C, Together Till the End. Alors Slasher, on va d'abord juste dire les trois références du vin, hein, parce que ça a été remporté. Oui. Et après on annoncera le nom du gagnant ou de la gagnante. Hein. Allez, oui. Nous sommes tout oui, Slasher. Donc c'est en fait Guns N' Roses, Rage Against the Machine et Metallica. Donc Guns N' Roses pour quel genre de titre? Sweet Child of Mine. Oui. Metallica, Injustice for Wine et Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, en fait, c'est le titre du groupe, ça. Voilà. Donc, eh ben, félicitations à Philippe Neuville de Charleroi. Ben, on est écouté un peu partout. Il a remporté ses bouteilles de vin. Ben, félicitations. Il n'aura qu'à m'envoyer ses coordonnées, son number of the phone, numéro de téléphone, ou tout simplement son email, et je vais faire parvenir tout ça à Stéphane. Et on remercie encore une fois Musical Wine de nous avoir fait confiance pour ce concours. C'est bien en France qui a gagné et un en Belgique, c'est génial. Voilà, c'est super, super, on est content pour vous. D'ici quelques minutes, on va faire un petit concours CD pour faire remporter aussi les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de remporter ce vin. Hein. Mais bon, oui. Vous allez vous contenter des CD, c'est pas mal. Eh ben, c'est bien simple, on va d'abord s'écouter un titre qui s'est extrait d'un album qui s'appelle tout simplement The Promised Land. Tu peux un peu nous en parler un petit peu deux secondes, The Promised Land de Born From Lie? Oui, donc c'est un excellent album, c'est on va dire du hard rock, et les back voices, donc les voix derrière, sont un peu parfois trash, criard, donc les solos sont excellent, la composition est excellente, donc c'est un groupe qui est à leur deuxième album qui nous vient de Paris, donc ça a été fait par Ellie Prod, donc merci à Ellie de Ellie Prod pour cet album. Rien à dire dessus, il est excellent, il contient combien de titres? 11 titres. 11 titres, donc franchement c'est rien à dire dessus, il y a des bons solos, on voit bien que ça a été travaillé, c'est super bien foutu. Voilà, on fait des petits poutous à notre ami Ellie Elodie, donc on va s'écouter Will Spile Some Blood. Et voilà, la question est toute simple. Quel concert que nous avons été voir hier avec le Slasher? Et vous nous envoyez la réponse et vous remporterez un CD. Allez, on va s'écouter donc le groupe Born From Lie. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Riff d'Enfer. Feel some blood. Rather be a storm. They always despise me. Soon they say you'll see. I will have their respect. They will feel my project. Voilà, c'est vraiment pas mal, hein, et c'est parisien, donc c'est bien, et voilà. Et le groupe s'appelle tout simplement Born From Lie, l'album s'appelle The Promised Land, et le titre c'est Will Spill Some Blood. Voilà, alors félicitations pour le CD, on va choisir comme ça dans notre petite hotte à nous, hein, pour envoyer à Agnès qui a remporté un CD. Félicitations à toi. Donc voilà, aujourd'hui vous avez remporté de la zik et de quoi boire, c'est très très très bien. Alors on va s'écouter le titre The Unguided avec Night Taker. Mais juste avant, j'ai encore un petit commentaire pour toi, le slasher. On te dit, continue comme ça avec tes connaissances. Tu es un Philippe Manœuvre, même si j'aime pas cette personne, en puissance. J'espère que tu pourras dépasser ce Philippe Manœuvre en puissance. Voilà. Alors, on va s'écouter The Unguided avec Night Taker. C'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est vraiment une tuerie, ce titre. Oui. Alors mon ami, qu'est-ce que tu en penses de ce titre? Excellent, génial. Ingided avec Night Taker, ça change un peu, moi j'aime bien. Franchement c'est vraiment bien, c'est bien calibré, ça passe très très bien, c'est sans prise de tête. Et c'est une vraie tuerie. Encore dans une vraie tuerie, une petite nouveauté. Ça s'appelle Celador. L'album s'appelle Off the Grid. Le titre, c'est Break Heresy. Et on va s'écouter ce titre qui est vraiment une petite merveille pour moi. Mais juste avant, il y a des groupes qui veulent vous passer un petit message. Si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Salut, this is Fernando from Moonspell, and you are together with me on Riff d'Enfer. Rock on! Hello, my name's Jesper, I'm from DAD, and this is Riff d'Enfer, 95 FM. Please listen closely. Hello, this is a nameless school, listening Riff d'Enfer on RQC, 95 FM, with the Scream. Hello, here's Roland Grapper from Masterplan, and you're listening to Radio RQC 95 FM, Riff d'Enfer, The Scream! Eh ben c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud en studio aujourd'hui. Là c'était Senador avec Break Heresy. Et on a un petit coucou du sud de la France. Merci à toi Boris de nous avoir dit merci pour l'émission. Ça fait super plaisir. Si vous vous souvenez avec le groupe RATT. RATT, tu te souviens Slasher de RATT? RATT. Avec franchement Laying It Down notamment et puis encore plein d'autres titres, des gros gros tubes de l'époque glam metal. Et là on va s'écouter donc le chanteur Stephen Percy qui nous revient avec un album, et là on a reçu le single qui s'appelle Jamie. Après Boris, on va s'écouter Jamie. Voilà, Jamie, Steve Percy, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et voilà, et c'était Stephen Percy avec Jamie, franchement, canon. Alors, il est l'heure de se quitter, Slasher, hein. On se retrouve dans 15 jours. Oui, dans 15 jours. Dans 15 jours, donc, sinon, on me retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, Rive d'Enfer. Et ben, restez bien branchés, car il y aura encore des concours, hein, c'est sûr et certain. Et on nous a posé la question aussi, pensez-vous un jour faire des t-shirts? Ben, ça nous a déjà passé par la tête, donc on est en train d'y réfléchir et on vous tiendra au jus, les amis. Voilà, donc si vous voulez peut-être un jour voir des t-shirts Rive d'Enfer, ben, mettez votre impression sur la page Rive d'Enfer. Alors, Vanishing Spawns avec le titre Tangled in Dreams, c'est le titre qu'on va s'écouter. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, Slasher ? Oui. Allez, à ciao les amis. Ciao. Ciao. Seen it all before. I've seen the rise beneath the fall. I've seen my back against the